grand bonhomme, un grand brun ténébreux. Le plus beau des hommes qui te fait voyager juste avec ses yeux. Il me dévisage, je crois que c'est un bon présage. Il me fait du charme, moi qui ai le cœur vide, juste le voir me soulage. Il me prend par la main, veut m'emmener à Toronto. Il me dit on fera le tour du monde, tu réchaufferas ton cœur à Mexico. Avec toi pas de prix, on ira faire du shopping en Italie. Mais accorde-moi juste une danse, juste une journée jusqu'au tomber de la nuit. Je ne connais pas son nom, il ne connaît pas le mien, ni même d'où il vient, mais je m'en fiche tant que ça se passe bien. Il me contemple, je le vois dans ses yeux, il est content. Mais l'heure tourne à cet instant, j'aurais voulu arrêter le temps. Grand monsieur, gentil monsieur,